Gervais, vous êtes prêt? Gervais, vous êtes prêt? Gervais, vous êtes prêt? Prêt? Prêt? Prêt? Prêt? Ça peut être triste. Ça peut être triste. Ça peut être triste. Gervais, vous êtes prêt? Prêt? Prêt? Prêt? Prêt? Allez, les gars! Ça peut être triste.